Chapitre 108e, un peu d'ombre après le soleil. Le 16 juillet 1791, c'est-à-dire quelques jours après les événements que nous venons de raconter, deux nouveaux personnages, que nous avons jusqu'à ce moment tardé à faire connaître à nos lecteurs afin de les leur présenter sur leur véritable jour, écrivaient tous les deux à la même table, dans un petit salon s'ouvrant au troisième étage de l'hôtel britannique situé rue Guénégaud. Ce petit salon donnait, par une de ses portes, dans une modeste salle à manger où, d'ailleurs, on reconnaissait en tout point l'ameublement habituel des hôtels garnis, et par une autre porte, dans une chambre à coucher où étaient dressés deux lits jumeaux. Les deux écrivains étaient de sexe différent et méritent chacun une mention particulière. L'homme paraissait avoir 60 ans environ, un peu moins peut-être. Il était grand, il était maigre, il avait l'air à la fois austère et passionné. Les lignes droites de son visage indiquaient un penseur calme et sérieux, chez lequel les qualités rigides et droites de l'esprit l'emportaient sur les fantaisies de l'imagination. La femme n'accusait guère que 30 ou 32 ans, quoiqu'en réalité elle en eût déjà plus de 36. Un certain éclat du sang, à une certaine vigueur de carnation, il était facile de voir qu'elle sortait de souche populaire. Elle avait des yeux charmants, de cette teinte indécise qui emprunte les différentes nuances du gris, du vert et du bleu. Les yeux doux et fermes à la fois, la bouche grande mais ornée de fraîches lèvres et de blanches dents, le menton et le nez retroussés, la belle main quoiqu'un peu forte, la taille riche, plantureuse, cambrée, une gorge merveilleuse et les hanches de la Vénus de Syracuse. L'homme, c'était Jean-Marie Roland de la Platière, né en 1732 à Villefranche, près de Lyon. La femme, c'était Manon-Jeanne Philippon, née à Paris en 1754. Ils s'étaient mariés 11 ans auparavant, c'est-à-dire en 1780. Nous avons dit que la femme était de race populaire. Les noms le prouvent. Manon-Jeanne Philippon, nom de baptême, nom propre, tout dénonce l'origine. Fille d'un graveur, elle gravait elle-même jusqu'à ce que, à l'âge de 25 ans, elle eût épousé Roland, qui avait 22 ans de plus qu'elle. Alors, de graveur, elle devint copiste, traducteur, compilateur. Des livres comme l'art du tourbier, l'art du fabricant de laine rase et sèche, le dictionnaire des manufactures, avaient absorbé dans un rude et ingrat travail les plus belles années de cette femme à la riche nature, qui resta vierge de toute faute, sinon de toute passion, non par stérilité de cœur, mais par pureté d'âme. Dans le sentiment qu'elle avait voué à son mari, le respect de la fille l'emportait sur l'amour de la femme. Cet amour, c'était une espèce de culte chaste et en dehors de tout rapport physique. Il allait jusqu'à lui faire quitter son travail du jour, qu'elle rattrapait sur les heures de la nuit, pour préparer elle-même le repas du vieillard, dont l'estomac affaibli ne pouvait supporter qu'un certain genre de nourriture. En 1789, Madame Roland menait cette vie obscure et laborieuse en province. Son mari habitait alors le clos de la Platière, dont il prit le nom. Ce clos était situé à Villefranche, près de Lyon. C'est là que vint les faire tressaillir tous les deux le canon de la Bastille. C'est au bruit de ce canon que tout ce qu'il y avait de grand, de patriotique, de saintement français s'éveilla dans le cœur de la noble créature. La France n'était plus un royaume, c'était une nation. Ce n'était plus simplement un pays qu'on habite, c'était une patrie. La fédération de 1790 arriva. Celle de Lyon, on se le rappelle, précéda celle de Paris. Jeanne Philippon, qui dans la maison paternelle du quai de l'Horloge, voyait tous les jours, en regardant de sa fenêtre le bleu profond du ciel, se lever le soleil, qu'elle pouvait suivre jusqu'à l'extrémité des Champs-Élysées, où il semblait s'abaisser jusque sur la cime verte et feuillue des arbres, avait vu dès 3 heures du matin se lever du haut de Fourvière cet autre soleil, bien autrement dévorant, bien autrement lumineux, qu'on appelle la liberté. De là, son regard avait embrassé toute cette grande fête citoyenne. De là, son cœur avait plongé dans cet océan de fraternité, et il en était sorti, comme Achille, invulnérable partout, excepté en un seul endroit. Ce fut à cet endroit que la frappa l'amour, mais cette blessure, au moins, n'y succomba-t-elle pas. Le soir de ce grand jour, tout enthousiasmée de ce qu'elle avait vu, se sentant poète, se sentant historien, elle avait écrit la relation de cette fête. Cette relation, elle l'avait envoyée à son ami Champagneux, rédacteur en chef du journal de Lyon. Le jeune homme, étonné, ébloui, émerveillé de l'art d'un récit, l'avait imprimée dans son journal, Et le lendemain, le journal, qui se tirait d'ordinaire à 1200 ou 1500 exemplaires, s'était tiré à 60 000. Expliquons en deux mots comment cette imagination de poète et ce cœur de femme prirent tant d'ardeur à la politique. C'est que Jeanne Flippon, traitée par son père comme un ouvrier graveur, c'est que Madame Roland, traitée par son mari comme un secrétaire, ne touchant dans la maison paternelle ou la maison conjugale qu'aux choses austères de la vie, c'est que Madame Roland, entre les mains de laquelle n'avait jamais passé un livre frivole, c'est que Madame Roland regardait, disons-nous, comme une grande distraction, comme un suprême passe-temps, le procès-verbal des électeurs de 89 ou le récit de la prise de la Bastille. Quant à Roland, il était, lui, un exemple de ce que la providence, le hasard ou la fatalité peuvent, par un fait sans importance, amener de changement dans la vie d'un homme ou l'existence d'un empire. Il était le dernier de 5 frères. On voulait faire de lui un prêtre. Il voulait rester un homme. À 19 ans, il quitte la maison paternelle et seul, à pied, sans argent, traverse la France, se rend à Nantes, se place chez un armateur et obtient d'être envoyé aux Indes. Au moment du départ, à l'heure même où apparaît le navire, un crachement de sang survient si considérable que le médecin lui défend la mer. Cromwell, s'embarquant pour l'Amérique au lieu de rester en Angleterre, retenu par l'ordre de Charles Ier, peut-être l'échafaud de Whitehall ne s'élevait-il pas. Roland partant pour les Indes, peut-être le 10 n'avait-il pas lieu. Roland, ne pouvant remplir les vues de l'armateur chez lequel il était entré, quitte Nantes et se rend à Rouen. Là, un de ses parents auquel il s'adresse reconnaît la valeur du jeune homme et lui fait obtenir la place d'inspecteur des manufactures. Dès lors, la vie de Roland devient une vie d'études et de travail. L'économie est sa muse, le commerce son dieu inspirateur. Il voyage, il recueille, il écrit. Il écrit des mémoires sur l'éducation des troupeaux, des théories sur les arts mécaniques, les lettres de Sicile, d'Italie, de Malte, le financier français. Et les autres ouvrages que nous avons déjà cité et qu'il fait copier à sa femme, qu'il épouse, comme nous l'avons dit, en 1780. 4 ans après, il fait avec elle un voyage en Angleterre. À son retour, il l'envoie à Paris solliciter des lettres de noblesse et demander l'inspection de Lyon au lieu de celle de Rouen. Pour l'inspection, elle réussit. Pour les lettres de noblesse, elle échoue. Voilà Roland à Lyon, et malgré lui, du parti populaire vers lequel d'ailleurs le poussent ses instincts et ses convictions. Il exerce donc les fonctions d'inspecteur du commerce et des manufactures de la généralité de Lyon quand la Révolution éclate et que cette aube nouvelle et régénératrice, lui et sa femme, sentent germer dans leur cœur cette belle plante aux feuilles d'or et à la fleur de diamant qu'on appelle l'enthousiasme. Nous avons vu comment Madame Roland écrit la relation de la fête du 30 mai, comment le journal qu'il a publié se tire à 60 000 exemplaires et comment chaque garde nationale qui retourne dans son village, dans son bourg ou dans sa ville emporte une portion de l'âme de Madame Roland. Et comme le journal n'est point signé, comme l'article n'est point signé, chacun peut penser que c'est la liberté elle-même qui, descendue sur la terre, a dicté à quelque prophète inconnu la relation de la fête, de même qu'un ange dictait l'évangile à saint Jean. Les deux époux étaient là, pleins de croyance, pleins de foi, pleins d'espoir, vivant au milieu d'un petit cercle d'amis, Champagneux, Bosque, Lanthenas, 2 ou 3 autres peut-être, quand le cercle s'augmenta d'un nouvel ami. Lanthenas, qui vivait familièrement chez les Roland, qui passait des jours, des semaines, des mois, amena un soir un de ses électeurs dont Madame Roland avait tant admiré le compte-rendu. On nommait le nouveau présenté Bancal des Issards. C'était un homme de 39 ans, beau, simple, grand, tendre et religieux. Rien de précisément brillant, mais ayant le cœur bon, l'âme charitable. Il avait été notaire et avait quitté sa charge pour se jeter tout entier dans la politique et la philosophie. Au bout de 8 jours que le nouvel hôte était dans la maison, Lanthenas, Roland et lui se convenaient si bien. Ce groupe formait une si harmonieuse trinité dans son dévouement à la patrie, dans son amour pour la liberté, dans son respect pour toutes les choses saintes, que les 3 hommes résolurent de ne plus se quitter, de vivre ensemble et à frais communs. Ce fut surtout quand Bancal les eut abandonnés momentanément que le besoin de cette réunion se fit sentir. « Venez, mon ami, » lui écrivait Roland, « que tardez-vous? Vous avez vu notre manière franche et ronde de vivre et d'agir. Ce n'est point mon âge que l'on change quand on n'a jamais varié. Nous prêchons le patriotisme, Nous élevons l'âme. L'Antenasse fait son métier de docteur, ma femme est la garde-malade du canton, vous et moi nous gérerons les affaires de la société. » La réunion de ces trois médiocrités dorées faisait en effet quelque chose qui ressemblait à une petite fortune. L'Antenasse possédait 20 000 livres à peu près, Roland 60 000, Pancal 100 000. En attendant, Roland remplissait sa mission d'apôtre. Il catéchisait, dans ses courses d'inspecteur, les paysans de la contrée. Excellent marcheur, le bâton à la main, ce pèlerin de l'humanité allait du nord au midi, de l'est à l'ouest, semant sur son chemin, à droite et à gauche, devant et derrière lui, la parole nouvelle, le grain fécond de la liberté. Bancal, simple, éloquent, passionné sous une froide enveloppe, était pour Roland un aide, un disciple, un second lui-même. L'idée ne venait pas même à l'esprit du futur collègue de Clavière et de Dumouriez que Bancal pût aimer sa femme, et sa femme aimait celui-ci. Depuis 5 ou 6 ans, l'Antenasse, tout jeune homme, n'était-il pas près de la femme chaste, laborieuse, sobre et pure, comme un frère près d'une sœur? Madame Roland, sa Jeanne, n'était-ce pas la statue de la force et de la vertu? Aussi Roland fut bien heureux quand, au billet que nous venons de citer, Bancal répondit une lettre affectueuse et pleine de tendre adhésion. Roland reçut cette lettre à Lyon et l'envoya immédiatement à la platière où était sa femme. « Oh, ne me lisez pas, lisez Michelet, si vous voulez, par une simple analyse, bien connaître cette admirable créature qu'on appelle Madame Roland. » Elle reçut la lettre par une de ces chaudes journées où l'électricité court dans l'air, où les cœurs les plus froids s'animent, où le marbre lui-même rêve et frissonne. On était déjà en automne, et cependant, un lourd orage d'été grondait au ciel. Depuis le jour où elle avait vu Bancal, quelque chose d'inconnu s'était éveillé dans le cœur de la chaste femme. Ce cœur s'était ouvert et, comme du calice d'une fleur, il en était sorti un parfum. Un chant doux comme celui de l'oiseau au fond des bois gazouillait à son oreille. On eût dit que le printemps se faisait pour son imagination et que, dans le chant inconnu qu'elle entrevoyait derrière le brouillard qui l'obstruait encore, la main de ce puissant machiniste qu'on appelle Dieu préparait une décoration nouvelle, pleine de bosquets odorants, de fraîches cascades, de pelouses pleines d'ombre, d'échappées pleines de soleil. Elle ne connaissait pas l'amour, mais comme toutes les femmes, elle le devinait. Elle comprit le danger, et les larmes aux yeux, mais souriante, elle alla droit à une table, et sans hésiter, sans détour, elle écrivit à Bancal, montrant, pauvre Clorinde blessée, le défaut de son armure, faisant l'aveu et du même coup, tuant l'espoir que cet aveu pouvait faire naître. Bancal comprit tout, ne parla plus de réunion, passa en Angleterre et y resta 2 ans. C'étaient des cœurs antiques que ces cœurs-là. Aussi j'ai pensé qu'il serait doux à mes lecteurs, après tous les tumultes et toutes les passions qu'ils viennent de traverser, de se reposer un instant à l'ombre fraîche et pure de la beauté, de la force et de la vertu. Qu'on ne dise pas que nous faisons Madame Roland autre qu'elle n'était, chaste dans l'atelier de son père, chaste près de la couche de son vieil époux, chaste près du berceau de son enfant. À 7 heures, on ne ment pas, elle écrivit en face de la guillotine « J'ai toujours commandé à mes sens, et personne moins que moi n'a connu la volupté. » Et qu'on ne fasse pas la froideur de la femme mérite de son honnêteté. Non, l'époque à laquelle nous sommes arrivés est une époque de haine, je le sais, mais aussi une époque d'amour. La France donnait l'exemple. Pauvre captive longtemps emprisonnée, longtemps au fer, on détachait ses chaînes, on la rendait à la liberté. Comme Marie Stuart, sortant de sa prison, elle voulut déposer un baiser sur les lèvres de la création, réunir la nature tout entière dans ses bras, la féconder de son souffle pour qu'il en acquît la liberté du pays et l'indépendance du monde. Non, toutes ces femmes aimaient saintement, tous ces hommes aimaient ardemment. Lucile et Camille Desmoulins, Danton et sa Louise, Mademoiselle de Keralio et Robert, Sophie et Condorcet, Vergniaud et Mademoiselle Candeille. Il n'y avait pas jusqu'au froid et tranchant Robespierre, froid et tranchant comme le couteau de la guillotine, qui ne sentit son cœur se fondre à ce grand foyer d'amour. Il aime la fille de son hôte, du menuisier Duplay, avec lequel nous allons le voir faire connaissance. Et n'était-ce pas de l'amour encore? De l'amour moins pur, je le sais, mais n'importe, l'amour est la grande vertu des cœurs. Que l'amour de Madame Tallien, que l'amour de Madame de Beauharnais, que l'amour de Madame de Genlis, que tous ces amours, dont le souffle consolateur effleura jusque sur l'échafaud le visage pâle des mourants. Oui, tout le monde aimait à cette bienheureuse époque, et prenait ici le mot amour dans tous les sens. Les uns aimaient l'idée, les autres la matière, ceux-ci la patrie, ceux-là le genre humain. Depuis Rousseau, le besoin d'aimer avait toujours été croissant. On eût dit qu'il fallait se hâter de saisir tout amour au passage. On eût dit qu'à l'approche de la tombe, du gouffre, de l'abîme, tout cœur palpitait d'un souffle inconnu, passionné, dévorant. On eût dit enfin que chaque poitrine puisait son haleine au foyer universel et que ce foyer, c'était tous les amours fondus dans un seul amour. Nous voilà loin de ce vieillard et de cette jeune femme, écrivant au troisième étage de l'hôtel britannique. Revenons-y.